Et 3 minutes, bientôt 4 à la bonne heure, et c'est tout de suite avec Stéphane Bern, bien entouré aujourd'hui. Mais vous avez vu ça, merci beaucoup Bénédicte Tassa. Alors pour à la bonne heure avec Laurent Gérard, toute l'équipe, nous avons la chance, et je sais que vous les adorez Bénédicte. Oui, vous les adorez, ce sont les coquettes qui vont nous chanter le sommaire. Bonjour. Le sommaire de l'émission. Là, une drôle de maladie. Il croit que tout le monde lui écrit. C'est une sorte de psychose dont est atteint Stéphane Rose. Attention, attention, voilà le sommaire de l'émission. Elle vient avec son couffin. Et ça va nous donner faim. Chanson va pouvoir baffrer grâce à Laetitia Nallet. Attention, attention, voilà le sommaire de l'émission. Juste après midi moins le quart, ce sera l'heure d'Éric Dussard. Car pour nous, il a zappé tout le pire de la télé. Attention, attention, voilà le sommaire de l'émission. Auditeur ou auditrice, il faut s'inscrire au pop quiz. Pas question d'avoir le plus. Pendant le jeu de Patrice Carmouze. Attention, attention, c'était le sommaire de l'émission. Attention, attention, à consommer sans modération. Oh yeah. Eh oui, les coquettes. Merci. Un show incroyable. On va les retrouver tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'elles sont bientôt au Grand Point Virgule, au Grand Rex en février, en tournée nationale. On va en parler avec vous tout à l'heure. Vous êtes baba. On parle toujours ensemble, vous avez vu. Oui, elles sont super, elles sont merveilleuses. Laurent Gérard est notre invité. Et puis je tiens à dire que pour votre pop quiz, Patrice Carmouze, il y a un très beau cadeau. Il y a un bon d'achat de 500 euros par Carré Blanc. Carré Blanc, marque de linge de maison, vous propose des produits pour chacun des membres de la famille. Des couettes, des oreillers, mais surtout du linge de lit, de bain, de plage, de cuisine, pour décorer votre intérieur et cocooner. On sent bien qu'elle a l'habitude de faire des pubs. Oui, mais là, c'est grâce. C'est parce qu'il y a son. J'ai arrêté. J'ai arrêté. Mais faites des cadeaux. Envoyez. C'est le roi du linge de maison. Très bien. Alors, Laurent, quelle joie de vous accueillir. D'abord parce qu'il y a ce spectacle, la cuvée anniversaire, avec un très beau cadeau. Sans modération, c'est le spectacle de DVD et puis filet de Macron et autres pommes à l'huile. C'est au Cherche Midi, ce sont des chroniques. On va vous voir aussi le 30 novembre prochain sur France 3 dans un documentaire qui vous est consacré. Ça s'appelle Une année pas comme les autres. Mm-hmm. Et pour cause, c'est celle de votre anniversaire, 50 ans. Mais, la tournée aussi. Voilà. Oui, la tournée. Mais vous qui êtes un garçon si pudique, secret, peut-être timide d'ailleurs, et qui préférez vous cacher derrière les voix des autres, parce qu'il y a ça dans les imitations. C'est vrai. C'est utiliser les voix c'est des pas autres. Faux. Oui, des saloperies. C'est surtout ça. Dire des horreurs, je n'assume pas. Je les assume. Si, vous les assumez. Comme si c'était quelqu'un d'autre qui les disait. Quoi. Mais qu'est-ce qui a accepté que vous. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté de vous dévoiler dans ce documentaire ? Oh, je me dévoile pas non plus, on me voit pas en peignoir. C'est-à-dire qu'il y a des choses vraiment particulières parce que effectivement, quand on est un petit garçon né à Bourg-en-Bresse et qu'on fait l'Olympia pour son anniversaire, voilà, c'était quelque chose que je voulais pas forcément garder pour moi. Et puis après, on a dit bah tiens, on va montrer aussi comment ce spectacle est né, les coulisses de tout ça, et puis aussi me suivre en coulisses parce que il y a des gens qui disent ah, vous devez vous marrer, donc oui, effectivement, on rigole beaucoup parce que voilà, c'est plutôt d'une nature joyeuse. Et je voulais montrer aussi les à côté parce que je suis allé faire du ski un peu partout dans le monde et c'était une manière de dire voilà, il n'y a pas non plus que le métier, il y a aussi les à côté et c'est sympa. Alors, parfois, on dit il ne faut pas trop découvrir l'aspect extérieur de tout ça, mais comme le spectacle sans modération, c'est l'arrière-scène d'un théâtre et c'est ma loge, et j'invite le public dans ma loge et je raconte quelques anecdotes, ben je dis voilà, c'est un petit peu le prolongement de ça, et c'est faire partager ça avec ceux qui me suivent depuis toutes ces années. Mais, et qui vous aiment. Est-ce que justement vous avez c'est l'année des 50 ans, vous avez fait, c'est le moment d'une introspection aussi, vous êtes vous ressentez quoi, une sorte de à la fois, vous avez de l'admiration pour votre parcours, vous peut-être un peu sur. Non, j'aurais pas cette prétention. Non, mais c'est quand même étonnant ce que vous avez fait. Je suis content d'être encore là, surtout. Non, non, mais c'est. Pourquoi il y en a beaucoup qui ont disparu? Non, mais je veux dire, c'est. Comme dirait Michel Drucker, c'est. Le vrai, la durée. C'est la durée qui compte. C'est la durée qui compte. Et surtout de voir. Mais je suis beaucoup allé en province. C'est vrai que j'adore mon métier, c'est un métier de saltimbanque. Et je dois dire qu'effectivement, même depuis ce passage de mon demi-siècle, je suis de plus en plus heureux. Je trouve que voilà. Ça en dit long pour les vins. Vous êtes débarrassé d'un certain nombre de trucs, quoi. Non, pas du tout. Je trouve que voilà, je suis bien dans ma vie. Bien, je suis très heureux de venir le matin à RTL avec mes camarades pour dire des horreurs. Je suis très content de partir en tournée. C'est ce que je rêvais de faire et je trouve que voilà, ben là, je suis comblé. Vous avez réalisé votre rêve d'enfant. Ah oui, je suis comblé là. Voilà, au-delà de vos espérances. Au-delà, oui. Ce que je vous disais, je suis encore heureux que ça continue. Et puis voilà, je suis en bonne santé, donc tout va bien. Tout va bien. Et bien nous, on est très heureux de vous avoir avec nous. Voilà déjà le. Pardon de vous interrompre. Mais priorité au direct. J'étais en bonne santé, c'est peut-être pas. Stéphane Rose. Oui, une question vient de tomber. Une question d'Amandine à Jouy-sous-Verdière. Laurent Gérard est-il, comme Stéphane Bern, un défenseur du patrimoine? Absolument. Laurent est même un défenseur engagé de l'héritage patrimonial des régions françaises, puisqu'il donne chaque année beaucoup d'argent pour la perpétuation du patrimoine de villages comme Juliénas, Gigondas, Vaqueras, Saint-Émilion, Morgon, Saint-Amour. Je vous épargne la liste exhaustive. Santé, justement. Et là, pour le coup, c'est avec modération, contrairement au spectacle qui est sans modération. Oui, oui. Mais j'arrive pas sur scène bourrée. Hein, attention. Hein. Oui. On peut donner de l'argent pour acheter pour patrimoine, des. Oui, sans être obligé de tout consommer. Patrimoine viticole est très important. Très important, mon cher Stéphane. Mais je sais. Oui. Et c'est mais je suis attaché aussi. Je sais, ou bâti. Oui, à tout ça. Ouais, je sais qu'on a une chapelle qui a 500 ans, alors que je suis pas forcément là-dedans, mais très très belle à Lens-le-Villard. Non, c'est vrai. Vous aussi, vous êtes venu demander de l'argent à Stéphane Bern. Incroyable, parce qu'elles sont préservées. Elles sont préservées, voilà. Et il y a un vrai patrimoine et il faut protéger. Merci de me comprendre. Voilà. C'est le patrimoine des Français. Alors, on va se retrouver dans un instant, sans modération, avec Laurent Gérard. Pour la suite de la bonne heure, on va parler de cette actualité chargée, la cuvée anniversaire et puis le livre aussi qui nous a fait beaucoup rire. 11h-12h30, à la bonne heure, Stéphane Bern sur RTL. En France, 2,3 millions d'hommes souffrent de problèmes de prostate pouvant impacter leur qualité de vie. Pourtant, il existe des solutions. Docteur Mimoun. Jacques, vous avez 64 ans et vous souffrez de troubles urinaires. Quelles en sont les conséquences dans votre vie ? Je suis passionné de cinéma, mais je peux plus voir un film en entier et je dois choisir ma place à proximité de la sortie pour aller aux toilettes. Les troubles urinaires masculins ne sont pas une fatalité. Pour commencer, ne vous retenez pas quand une envie pressante se fait sentir. En plus de conseils hygiéno-diététiques simples, sachez qu'il existe des solutions. Prostamol est un complément alimentaire à base d'extraits naturels de sérénoir et pince qui contribue au maintien d'une fonction urinaire normale chez l'homme de plus de 45 ans. Prostamol, c'est une capsule par jour à prendre idéalement pendant 3 mois. Demandez conseil à votre pharmacien. Pour votre santé, bougez plus. Joignez RTL au 3210, 50 centimes la minute, ou au 74 900, 65 centimes par SMS. En ce moment, ce sont les tickets d'or dans les magasins U. Esteban demande à l'accueil du magasin. Il y a encore des tickets d'or ? Oui, on a mis en jeu 5000 nouveaux tickets d'or de 250 € carte U. Avec votre carte U, vous recevez un ticket à gratter à partir de 25 € d'achat ou l'achat d'au moins un produit de marque partenaire. Il y a 6 millions d'euros carte U en jeu. 6 ? Non. Si, 6 millions. Jeu avec obligation d'achat du 6 novembre au 2 décembre sur présentation de votre carte U. Les euros carte U gagnés sont à verser jusqu'au 9 décembre à l'accueil du magasin. Règlement du jeu sur magasinu.com. U. Commerçons autrement. Salut, moi c'est Geoffroy de Canard. Je suis très frileux, surtout du porte-monnaie. Alors quand vient l'hiver et que je sais qu'il faut que j'entretienne ma voiture, ça me glace le sang. Heureusement, chez Citroën, grâce au forfait avantage, la révision de mon véhicule de plus de 3 ans est à partir de 119 € seulement. Sinon, en plus, ils font aussi un bilan hiver gratuit. Bref, deux offres comme celle-là, fouet de canard, ça réchauffe le cœur. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 28 février dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroen.fr. Bonjour, bienvenue chez Comme J'aime. Menteur, ça marche pas votre truc. Madame, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à y croire, et pourtant, je vous assure que Comme J'aime, ça marche. Vous avez déjà essayé ? Bah non. Alors justement, c'est pour les personnes aussi sceptiques que vous que nous proposons de tester une semaine gratuite. Bon, si la première semaine est gratuite, je veux bien essayer. Ah, très bien. Je vous envoie le colis et on en reparle la semaine prochaine. Vous verrez, ça marche. Appelez le 0800 507 507. 0800 507 507. Condition de l'offre par téléphone, service et appel gratuit. 11h-12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Et c'est l'heure de mon interview sans modération avec Laurent Gérard. Est-ce que vous riez sans modération? Oui. Oui. Vous mangez sans modération? Bon, je suis obligé de faire gaffe un peu quand même. Ouais. De temps en temps, il faut faire des pauses. Mais c'est vrai que j'ai plutôt la tendance beaucoup de fois lyonnaise. Quoi. Ouais. Un peu comme à Lyon. Ouais. Mais qu'est-ce que vous aimez? Ça y est, Gérard. Il n'y a pas un truc que j'aime pas. Ah, c'est vrai, il n'y a rien que vous n'aimez pas. Je mange de tout. À part des trucs à la con, du tofu, des trucs comme ça. C'est pas de la nourriture. Donc. Des graines germées. Des graines germées, oui, c'est intéressant. Il y a des gens. Et vous aimez même la nourriture américaine, hamburger, tout ça, ça vous va? Oui, sur place, oui, quand je suis là-bas. Mais un bon, quoi, avec la bonne viande. Pas le fast-food. Non, mais je ne veux pas dans les trucs des fast-food. Tenez à votre santé, vous l'avez dit. Non, mais c'est vrai que je suis profondément omnivore. Oui. Est-ce que vous aimez sans modération? Ah bah oui. Quand on aime, on ne compte pas. Un peu quand j'aime pas, c'est... Oui, c'est sans modération. Ça marche dans les deux sens. Vous râlez sans modération. C'est sans concession. Et vous râlez. Quand vous vous mettez en colère, ça donne quoi? Ça peut être sans modération aussi. Non, vous oui, contrôlez. Mais je me mets rarement en colère. Ah oui, mais non, c'est vrai. Bon, vous savez, c'est exutoire, la radio le matin, quand il y a quelque chose qui nous énerve, on peut le dire. Oui. Voilà, ça fait du bien quand même. Ça a cette fonction. Il faut que ça sorte, en fait. D'une manière ou d'une autre. Moi, je ne l'ai jamais vu en colère. Jamais. À la radio, non? Non. Je m'énerve de temps en temps, conneries, mais non, je pense, je crois qu'on trouve qu'on perd de l'énergie. Oui. Et puis c'est en plus des énergies négatives. Oui. Est-ce que vous faites du ski sans modération? Oui. Oui. Oui. Mais oui. Ça vous a joué des tours parfois? Pas trop. Vous avez eu une fois, vous étiez immobilisé avec une jambe. Oui, mais je me suis cassé la jambe dans un bar. Ça, mais... Ah oui. C'était un problème de descente aussi. Oui, c'est vrai. Mais j'étais quand même à la montagne. Ça n'était pas chaud. Non, j'avais, du tout en plus, j'avais fait 3 jours. Je m'étais entraîné 3 jours avec un immense guide, Anselme Beau, qui a sorti un livre d'ailleurs magnifique sur la montagne. Et je m'étais entraîné 3 jours parce que je devais aller au Canada. Et le soir, je me suis tordu le pied dans un bar et fracture de Maisonneuve, ballon péroné et plâtré 2,5 kg de plâtre. Mais voilà, et j'ai écrit un spectacle du coup. Parce que Mais vous êtes capable d'aller super loin pour faire du ski, hein, à l'autre bout du monde. Oui, c'est un Chaka, au Chili. Passionné. Je me suis juste pété un petit peu le doigt là au Chili, mais bon, c'est pas. Bon, c'est pas grave. Ça va, on peut skier encore. Avec un doigt, on peut tout faire. C'est que de l'amour. Avec du poil au cou. Alors, on va. Bah bravo. Vous voyez, il avait l'élégance de s'arrêter. Un boulot mot de trop. C'est Laurent Gérard qui est une mauvaise affaire. Ouais, c'est ça. Balin. Sur ses camarades, on disait allez. Dissipe ses camarades. Il a toujours fait ça. Oui, bonjour. Une question de Pascal à Fioretto la Coquette. Est-il vrai que Laurent Gérard a une passion pour le ski? On en parlait à l'instant. Qui l'assouvit en dévalant les montagnes du monde entier? Absolument, c'est vrai. Laurent Gérard est un dingue de ski. Au contraire de Stéphane Bern, qui ne skie pas, mais qui n'en aime pas moins la poudreuse dont il se remplit les narines dans les fameuses soirées toges du sous-préfet de Thiron-Gardet. Mais cela ne nous regarde pas. Bah, écoutez, non, mais ce serait drôle si c'était pas vrai. C'est pas crédible du tout. C'est pas à Thiron-Gardet. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas la tête à ce moment. Non. On m'a jamais proposé rien. Mais jamais, moi non plus. D'ailleurs. Du vin, oui, souvent. Jamais. On m'a proposé. Mais en plus, est-ce que vous imaginez Stéphane Bern sous drogue? Moi, je veux pas voir. Non, jamais. J'ai jamais fumé un joint non plus de ma vie. Jamais. Mais la moquette, ouais. Jamais une cigarette. Non, moi non. Jamais. Non, mais on est sain quand on vient de Lyon. Oui, et lui, monsieur. Il y a encore des gens qui ont des valeurs. Ouais, voilà. Voilà. Bon, enfin, n'en dégoûtez pas les autres. On va retrouver Laurent Gérard dans un instant pour parler de son actualité. À tout de suite. Jusqu'à 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Sephora. Pour Black Friday, c'est le moment de craquer chez Sephora. Que vous soyez séductrice, joueuse, audacieuse ou secrète, tous les produits Too Faced sont à moins 20% jusqu'à ce soir seulement. Craquez pour les palettes, mascaras, blush et gloss qui subliment du regard jusqu'au bout des lèvres. Et ce n'est pas fini. Jusqu'au 26 novembre, nos parfums et coffrets parfums sont à moins 30%. Alors à tout de suite chez Sephora. Voir conditions en magasin et sur sephora.fr. Sephora. Sephora, au cœur de la beauté. Bonjour, c'est Stéphane Thébault. Dans les belles maisons que je visite, le volet roulant est une option confort indéniable. Avec Bumendorf, la référence du volet roulant, faites votre chiffrage en ligne en toute transparence. 599 € le volet roulant solaire Bumendorf, pose comprise et quelle que soit sa dimension, c'est facile. Prix TTC posé conseillé des trois solutions solaires achetées, conditions intégrales de l'offre et installateur sur solar.bubendorf.com. Chérie, mais qu'est-ce qui se passe là? Il est 5h. Ben je t'ai dit, les 23 et 24 novembre, c'est le Black Friday chez Nissan. La Micra d'occasion est à 4 € par jour. Je vais pas rater ça. Mais ça sera pas ouvert. Première arrivée, première servie. En plus, elle est fabriquée en France. Ça va partir vite. Nissan, innover autrement. Pour Micra K14 N-Connecta DCI 90, occasion récente, LLD 61 mois, premier loyer 2250 €, puis 60 loyers 120 €. Si accordiaque, jusqu'à épuisement des stocks dans les concessions participantes. Bonjour, c'est moi le pavé de rhum steak des restaurants La Boucherie. Oui, je sais, je suis bien dodu et j'assume. Pourtant, j'ai maigri. Je veux dire, au niveau de mon prix. J'ai perdu 4 € quand même. Oui, en ce moment, dans votre restaurant La Boucherie, le pavé cœur de rhum steak origine France est à seulement 13,90 €. Et ça me va bien. Pour votre santé, bougez plus. Conditions et adresses sur laboucherie.fr. Matmut présente la solidarité. La solidarité? J'aimerais bien voir ça. Mon entreprise vient d'être inondée. C'est la cata. Je vais plus pouvoir travailler. Vous imaginez le manque à gagner? Je fais comment? Appuyez-vous sur une valeur sûre. Avec les solutions pro et entreprises du groupe Matmut, la solidarité, c'est compenser les pertes d'exploitation de votre entreprise en cas de coup dur et vous accompagner jusqu'à la reprise de votre activité. Sûr? Sûr. Ben vous, au moins, vous avez pas peur de vous mouiller. Matmut, ma valeur sûre. Garantie dans les limites, plafonds et conditions du contrat souscrit. Modalités complètes et coordonnées sur matmut.fr et en agence. Pendant les 7 jours à prix impressionnants, vivez un Black Friday géant. Chez Géant, la TV LED HD Océanique 82 cm est à 99,99 € au lieu de 119,99 €. Et aujourd'hui, profitez de moins 20% en plus avec la carte de fidélité ou moins 50% en plus avec la carte bancaire, soit une économie cumulée de 58%. Oui, 58% d'économie sur la TV LED HD Océanique 82 cm. Cette année, la semaine Black Friday, c'est... Géant. Remise effectuée sous forme de cagnotte. Voir conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr. Tiens, tu lis le nouveau détective. Eh oui, il n'y a que dans ce journal que je trouve des histoires passionnantes. Ah, et c'est sur les faits divers? Oui. Oh, t'as tous les détails de l'enquête. Hein. Des témoignages incroyables. Ah, c'est pas pour rien qu'ils sont numéro 1. Hein. C'est mon petit plaisir du mercredi. Le nouveau détective. Des vérités que vous ne lirez nulle part ailleurs. 1,60 € seulement. 11h-12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Et ce matin, eh bien, nous faisons le bilan de l'année 2018 de Laurent Gérard, l'année de ses 50 ans. Et il a mis les bouchées doubles. Tournée du spectacle sans modération. Alors d'abord, le spectacle continue jusqu'au 19 décembre. Oui, et reprend après. Et reprend après. Oui, après. Il y a un DVD coffret collector du spectacle. Ça, c'est vraiment super. Moi, j'ai vu le DVD. Enfin, c'est formidable. Bah, merci, mon petit ouais, Stéphane. Ouais. Et puis, alors là, les auditeurs d'RTL vont adorer Filet de Macron et autres pommes à l'huile au Cherche Midi. Oui, vous avez compris le jeu de mots, c'est pour ça que vous riez. Les 100 meilleurs textes. Je crois que vous doutez de l'intelligence de votre public. Non, je croyais qu'il doutait de mon intelligence. Certains disent, tiens, il a fait une erreur. Non, c'est des macros. Et non, là, c'est. Voilà. Eh bien. Comment bravo. Expliquer un jeu de mots bien expliqué. J'adore expliquer les jeux de mots parce que dans ce cas-là, ça fait encore plus rire. C'est deuxième couche. Eh bien. Non, j'ai rien concerné. Moi, j'adore. J'adore parce que c'est drôle. C'est, parce qu'il y a peu de textes qui résistent au passage à l'écrit. Oui. Alors, c'est très compliqué. Sur, les œuvres de Stéphane Rose, Jérôme de Verdire et Pascal Fioretto. C'est vrai qu'on n'a pas voulu faire des textes en bloc comme ça parce que c'était pas très, pas très ludique. Donc on a rajouté. La mise en page a été plutôt bien faite et ça, c'est presque une forme d'almanach avec des petites absolument, textes. Absolument. Oui, et puis ça permet de revivre. Et puis en plus, les gens sont des familiers, c'est-à-dire que. Je sais pas, on retrouve Hamon, c'était une année un peu chargée. Jean-Pierre Besnéard, Pernaud, Enrico, Jean Lassalle. Jean Lassalle. Oui. Et puis les Macron sont très présents. Oui. Il y a un petit feuilleton Macron. Il y a un petit. Exactement. Avec Brigitte et Emmanuel. Emmanuel, voilà. Et Lynn qui vient de temps en temps. Ou vous, parfois. Moi, parfois, je fais des visites, moi. Parfois, je me demande si vous ne me confondez pas avec Stéphane Plaza. Parce que c'est entre secret d'histoire et puis je vends des appartements. Vous voyez, je vends, j'ouvre des portes. Comme ça, et après je vends les toilettes. T'es un ami de la maison. C'est secret de chiotte en fait. Non, vous êtes dans le spectacle aussi. Est-ce que je vous fais faire une émission sur le bonheur? Je trouve que ça vous correspondait bien. Oui, j'adore ça. Oui, voilà. Bonheur. Ah ben très bien. Vous avez vu Stéphane, il y a aussi un ami de la maison. Hein. Patrick Sébastien, évidemment, Patoche revient souvent. Bien sûr. C'est que de l'amour. Bonheur. Et puis tu sais, il faut être bienveillant. Alors c'est un peu oui, c'est l'humanisme. C'est l'humanisme. C'est parce que derrière l'œil du clown, il y a un vrai humanisme. Mais comment bah, c'est un boulot fou de faire tout ça. C'est une. On s'amuse. Bah, je suis épaulé quand même. Oui, oui. Oui. Vous êtes épaulé. Alors RTL, vous êtes là tous les matins. On le voit dans le documentaire qui passe le 30, vendredi 30. Ah oui, il y a RTL aussi. C'est maintenant. Oui, vous voit RTL le matin. Vous êtes là. C'est une sorte de routine aussi qui est importante. Pas de routine, c'est-à-dire que c'est le plus difficile, c'est de passer d'un rythme à un autre. Oui. C'est-à-dire que le matin assez tôt à RTL. Mais je redors bien. Quand il y a un spectacle le soir, c'est bien compliqué. Oui, il y a un spectacle, il y a les spectacles le soir. Je repars en tournée. Évidemment, je me couche un peu plus tard parce qu'avec l'adrénaline, etc. Et puis après, il faut revenir. Mais le dimanche, on a un petit rituel avec les auteurs. On se retrouve à la maison, on boit l'apéro, on recharge. Voilà, on met du charbon dans la machine. Ah oui, bien sûr. Alors, sauf que l'apéro, normalement, Laurent, ça va pas jusqu'à 1h du matin. On regarde un film, Mais ce qui est formidable dans le documentaire, c'est qu'on voit que cette suractivité, c'est vrai que vous avez mis des bouchées doubles pour vos 50 ans, eh bien, vous avez encore du temps et pour vous, pour vos loisirs, pour vos amis. Ouais, il faut. C'est important, c'est un équilibre en quelque sorte. Oui, mais c'est vrai, il faut. J'ai mis un point d'honneur aussi à pas non plus être un stacanoviste et puis être tout le temps la tête dans le guidon. D'ailleurs, c'est bien parce que ça aère un peu ça aère un peu le cerveau d'être un peu ailleurs. Et du coup, on revient avec des idées, on vient. Non, c'est vrai que la montagne, c'est quelque chose qui me fascine et je me dis que pendant que j'ai encore les guibolles, je peux aller faire du ski un peu. Puis tant qu'il y a encore de neige, de la neige. Parce que dans les années qui viennent, on va en profiter. Oui. Et puis alors, ce spectacle sans modération est en tournée d'automne et d'hiver. Ça se termine évidemment chez vous, à Lyon, le 19 décembre. À Lyon, Chez nous, je devrais dire chez nous, parce que nous sommes lyonnais. Oui. On peut donner quelques chiffres, 76 imitations totales, 6 musiciens. C'est vraiment un spectacle total dont vous pouviez rêver. Un décor, on a 600 mètres carrés de rideaux, on a de la vidéo. C'est la première fois que je fais un spectacle avec la vidéo et puis un vrai décor de Stéphanie Jarre. Et c'est vrai que je voulais faire quelque chose de différent, une autre couleur. Plutôt que d'en parler, je vous propose un premier extrait. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Si vous deviez faire votre bilan, quels ont été les faits marquants de votre quinquennat? C'est dur comme question. Ça commence fort quand même. Les faits marquants, vous voulez dire ce qui a changé la face du monde? Oui, par exemple. Je vais trouver. La une de Closer avec mon casque et mon scooter. Oui, mais ça c'est votre vie privée, mais la France... Mais la France. J'ai fait, le mariage pour tous, qui n'a pas plu à tous. J'en entends encore qui disent, un enfant élevé par deux hommes, il ne saura pas qui est sa tante. Bon, ça c'était François Hollande. Oui. Avec Jean-Jacques Perroni. Une victime collatérale. Vous l'aimez bien. Oui, c'est-à-dire que c'est incontournable maintenant. En un mot. C'était difficile de prendre sa voix Non. Ces mimiques, ça a été assez facile parce que là, je le fais à la pêche maintenant. J'ai mon appât, c'est sans ça. Et c'est vrai qu'on. Il revient. Il m'a dit qu'il va revenir. Avec sa première épouse. Je pense qu'il va revenir. Oui, je pense qu'une primaire socialiste avec Hollande et Ségolène, ça va être sympa, non? Oui, ça va être. On l'a déjà tombé en enfance. Moi, je trouve que je suis content quand ils font des trucs comme ça. Parce que ça nous apporte tellement de choses. On se dit, on n'est jamais à court d'idées, du coup, grâce à eux. C'est quand même pas mal, non? C'est vrai. C'est un vrai talent d'auteur. On va écouter Calogero, 1987. Ça nous replonge 6 ans dans le passé. J'avais 20 ans. Oui. Mais nous aussi. Tu te souviens? Les couleurs sur les baskets, les crayons dans les cassettes. Je rends. Il y a

chaque matin, Laurent nous faisait mourir de rire, certes, mais sortait aussi tout un chapelet d'horreur et ah, rien n'a changé. Toujours est-il que pour accueillir ce nouveau venu dans nos locaux, comme le veut la tradition à RTL à l'époque, j'avais organisé un pot, tu te souviens ? Et dès 9h du matin, nous étions tous attablés devant des fromages odorants, de la charcuterie fondante et du bon vin, car tout le monde le sait, Laurent est un bon vivant. À 9h du matin. À 9h du matin. Oui, mais bon, on se lève tôt aussi, hein, donc on avait le manchon. C'est comme à Lyon, c'est le manchon. Ouais. Voilà. Alors, on est un peu de la même région tous les deux, hein. Grenoble pour moi, Lyon pour lui, Lyon, capitale de la gastronomie. J'ai donc fait un petit shopping, comme Laurent a dit tout à l'heure, qu'il aimait tout, qu'il mangeait tout. Eh bien, Laurent va donc tester quelques nouveautés. Non. Et si, oh, c'est joli. Alors, qu'est-ce que c'est ? Regardez qu'est-ce ça. Que c'est ? Alors, l'idée, c'est de le surprendre, évidemment. C'est un peu joli, mais ça doit être et de piquer votre palais, Laurent, comme vous nous piquez les oreilles avec vos imitations, pas piquer des hannetons sur RTL. On n'ose pas. Hein. Alors, je ne dis pas ce dont il s'agit, vous allez essayer de deviner. Pour ça, mais... Non, mais d'abord, salé ou sucré ? C'est du cornichon, ça, non ? Alors voilà, exactement, mais il est trop fort. Cette mini tartine verte, pour les auditeurs qui ne voient pas la texture, la couleur verte est un vert plutôt clair. La texture est crémeuse, mais pas liquide. Un peu moisi. Non, c'est une texture idéale. Ah non, je trouve pas, c'est super joli. Alors Laurent, qu'est-ce moisi, que ça donne ? C'est pas mal. C'est pas mal. Doux, c'est bon. Acidulé. C'est du cornichon. C'est du cornichon à tartiner. Un esprit nouvelle sain version. Dans un cornichon. Voilà, un esprit sain dans un cornichon. Les cornichons sont cultivés en Aveyron. On ajoute un peu de moutarde et un peu de pointe d'estragon à l'intérieur pour arriver à ce résultat. Pas mal. C'est pas trop acide, c'est pas trop gnangnan non plus. Vous pouvez le tartiner dans un sandwich jambon beurre, sur des toasts de charcuterie, à ajouter dans une sauce ou une vinaigrette, ou aussi mettre, pourquoi pas, une petite cuillère avec votre fromage fondu de raclette. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Allez, deuxième test, on passe au sucré. Oh, là, c'est une mini tartine qui est marron clair ou jaune foncé. Non, on dirait du miel ou de la confiture. Ouais. Stéphane, vous goûtez pas comme d'habitude. Non, vous savez, je ne mange pas l'antenne. Alors, la texture ressemble à un miel un peu épais. Bérurier, Stéphane Rose. Alors, il a déjà avalé. Lui donner c'est un goût de quoi. Whisky. Un goût de whisky. Ouais. Ah, non. Incroyable. Bah, il y a un peu de ça. Laurent, qu'est-ce que vous en pensez ? Bonbon. C'est un goût qui rappelle les céréales. Il n'y a pas d'amertume. C'est en fait de la bière brune tartinable. Voilà, d'où le whisky. Présenté dans un, c'est présenté dans un bocal comme un pot de confiture. Cette pâte à tartiner contient quand même 40% de bière artisanale, mais aucun risque de vous pochetronner, hein, parce qu'au moment de la consommation, il n'y a quasiment plus rien. Moins de 1% dans le produit fini. On va dire que c'est un goût intense et corsé. Il n'aime pas du tout le sucré. Vous êtes plus salé, hein, c'est ça. Cette bière à tartiner pourrait accompagner des fromages, des antipastilles. Pour ceux qui aiment le mélange sucré-salé, ça marche bien avec des crostinis. Et il paraît qu'on peut aussi mettre cette pâte dans un gâteau, ça j'ai pas essayé. Donc, de la bière à tartiner, est-ce que vous avez de la choucroute en spray? Non, mais je vais chercher, peut-être que ça existe. Alors si ça vous intéresse, le cochon à tartiner, c'est 4,95€ et la Biera Spalmabil, bière brune tartinable, 8,95€, le pot est plus gros. Ouais. Vous retrouvez tout ça sur rtl.fr. Merci beaucoup Laetitia Mellet. On va se retrouver dans un instant. Pardon de vous interrompre. Non, je vous en prie. Une nouvelle question, je la découvre avec vous. Je voudrais savoir si les bouseux de la France d'en bas ont prévu de continuer à nous emmerder avec leurs gilets jaunes pourris, car je dois prendre la route demain pour me rendre à la soirée Grandeur et Décadence de la Rome antique chez le sous-préfet de Thiron-Gardet. J'aimerais m'assurer que ça roule. Arrêtez, je crois que j'ai reconnu l'expéditeur. J'aimerais qu'on soit clair. Le sous-préfet... Et Jean le retrouve. Oui. Et c'est la préfète qui est à Chartres. D'accord. Mais voilà. Je ne vais pas dîner comme ça tous les 4 matins. Je suis ici à RTL le matin. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens sur les routes. Bien sûr. Alors, on va. Où qu'ils soient. Voilà. Gilets jaunes. Et voilà. Je veux pas trop arcadrer. Ceux qui roulent et ceux qui bloquent. J'aime les gens. Voilà. Alors, on va retrouver dans un instant Laurent Gérard pour le vrai faux de l'invité. RTL, Stéphane Bern. À la bonne heure. Faire un carton, expression française qui signifie que pour le Black Friday sur la Redoute, vous êtes sûr de faire les bons choix. Jusqu'à moins 60% sur les meilleurs produits, des ventes flash tous les jours sur vos marques préférées et moins 10% supplémentaires sur la mode. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année avec la Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Les défis Soch. Imaginez un chant de Noël. Je suis passé chez Soch. Une superbe promo se cache dans ses cadeaux. Hey, en chaussons, dans ce salon, célèbre en chanson, en chanson, en chanson. Jusqu'au 26 novembre, 9h, profitez du forfait 50Go à 9,99€ par mois pendant 12 mois, puis 24,99€ par mois sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Rapport ARCEP 2018. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99€ par mois. Détails sur soch.fr. Alors, comment allez-vous depuis la dernière fois? Ils ont recommencé. Les prix, ils ont encore baissé les prix. Et en ce moment, la pose de la fenêtre est à 1 euro. Vous vous rendez compte? 1 euro, ils ont mis. Ah! Jusqu'au 26 novembre, c'est la folie des prix bien faits chez La Paire. Et la pose de votre fenêtre en aluminium est à 1 euro. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Le Black Friday est encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Chez Carrefour et sur ruedducommerce.com, pendant la semaine du Black Friday, l'aspirateur balai Dyson V7 est à seulement 249€ au lieu de 349€. Et sans fil en plus. Résultat des courses? Ah mais du coup, je le passe tous les jours l'aspi, moi. Mais oui. C'est parti pour la semaine du Black Friday chez Carrefour, Carrefour Market et sur ruedducommerce.com. L'aspirateur balai Dyson V7 est à seulement 249€ au lieu de 349€. Carrefour. Garantie 2 ans jusqu'à épuisement des 2000 pièces. Offre et magasins participants sur carrefour.fr. Bonjour, c'est Stéphane Thébault. Toute l'année, je rencontre des gens qui en ont assez de se pencher pour ouvrir ou fermer leur volet battant. Saviez-vous que Bubendorf, la référence du volet roulant, vous propose aussi une motorisation solaire pour votre volet battant, à 599€ pose comprise. Prix TTC posé conseillé des trois solutions solaires achetées, conditions intégrales de l'offre et installateur sur solar.bubendorf.com. À la fois responsable magasin, livreuse et commerciale, elle sait tout faire. Elle, c'est Josépha, Josépha Yance, artisane céramiste et son nouveau Citroën Berlingo Van, équipé de 20 aides à la conduite et du véhicule utilitaire de l'année 2019. Nouveau Citroën Berlingo Van, comme vous, il sait tout faire. Pendant les jours pro, profitez-en à partir de 139€ par mois avec cabine extenso offerte. Citroën. Crédit bail 60 mois, 75 000 km, premier loyer 2 909€, offre d'un cumulable hors-taxe réservé aux professionnels, valable jusqu'au 30 novembre sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr. Le vrai faux de l'invité. Alors nous avons les dossiers sur Laurent Gérard. Pour l'une des premières tournées, Laurent a accompagné Charles Trenet au Canada. Et entre les spectacles, il lui servait de chauffeur. Vous saviez ça? Ah donc, si vous me dites ça, c'est que c'est vrai. Alors vrai. La déduction. Ça doit être vrai. Vrai, faux. Faux, mais non faux, parce qu'il n'avait pas son permis de conduire. Il l'a passé super tard. Ah, oui, je me rappelle quand tu l'as eu. Ah ben voilà. Je crois que là, on a une experte. Mais il était au Canada. Vrai, j'avais pas le permis. Ah, oui, oui, mais vous étiez au Canada avec. J'ai été au Canada avec Charles Trenet. Et vous avez conduit sans permis, quelle honte. Il y avait un vrai et un faux. Ah, voilà. C'est vrai, mais j'ai eu cette chance. Ouais. Alors, Laurent, qui a été initié au bienfait de toutes les plantes de montagne qu'il connaît par cœur, il a été notamment initié par Marc Vera, s'apprête à publier, à l'instar de Rick Azaray, un livre pour se soigner par les plantes. Bien sûr, bien sûr. Les bains de siège. C'est complètement. Vous dites ça avec la voix du pape. Le siège, non, c'est pour ça? C'est pas sa voix. Non, c'est pas tout à fait Rick Azaray. C'était plus non, François Damien. C'est pas François. C'est sans siège. Non, mais pour les imitations, laissez Laurent. Mais c'est vrai, il y a un professionnel autour de la table. Oui, mais il nous incite à en faire. Ouais. C'est faux, alors, il n'aime pas les c'est faux. C'est faux, ouais. C'est faux, évidemment. Oui, c'est faux. Oui. Ah non, il ne va pas se commettre à ça. Non, si je fais un livre de recettes, ce sera celle de ma grand-mère. Mais... Oui, un vrai livre de recettes. Voilà, pour accompagner un restaurant. Après la scène, la radio, la télévision, le cinéma, Laurent va justement devenir restaurateur. Oui, c'est vrai. Ouais, vrai. Ah oui, c'est vrai. Bah, on peut même dire où. Léon de Lyon. Léon de Lyon. C'est une institution. Il faut le dire chez nous à Lyon. Léon de Lyon, c'est une institution. Et grâce à Jean-Paul Lacombe. C'est formidable. Bah écoutez, oui, c'est une belle aventure et surtout, voilà, ça fait partie de mes passions. Donc, Qu'est-ce qu'on va manger? Ah bah, forcément local, déjà. Ah. Et puis peut-être les recettes justement de ma grand-mère, on est en train de voir. Puis du tofu, évidemment. Et mais ça rouvre quand alors? Là, c'est toujours ouvert. C'est toujours ouvert. C'est toujours ouvert avec Jean-Paul, évidemment. Et puis voilà, en janvier, on va faire, pas faire de gros travaux, mais enfin, 2-3 petites choses. Et puis. Ça sera en mais la carte signée. Non, mais la carte sera signée par le chef. Moi, oui, mais on va bon. Évidemment. Mais voilà, je suis content de. Ouais, c'est bien. Et pour la décoration. Puis c'est une vraie et institution. Le... Ah, c'est une belle institution. C'est très émouvant pour moi. Ah oui, j'imagine. J'aime beaucoup Jean-Paul Lacombe, évidemment. Et puis, magnifique chef. Il cherchait. Je suis très proche de beaucoup de chefs et ça me fait plaisir d'être dans cette confrérie sympathique. Bravo, super. Alors, à propos de table, justement, Laurent a eu une vive altercation avec un sommelier qui lui proposait du vin bio. Il lui a dit je veux pas de votre piquette qui sent le poney et ça a failli dégénérer. Ça arrive à chaque fois qu'on va au resto avec Laurent. C'est vrai. Quel problème avec le vin bio? C'est gênant. Non, mais j'ai pas eu d'altercation. Je les fais rire généralement. Ou alors je leur dis vous avez du vin bio? Il me dit oui, bah, gardez-le bien pour les Parisiens parce que nous on en boit. C'est drôle. Est-ce que vous le saviez, mais Laurent est silogame. Silogoman. Je sais. Et vous êtes dyslexique. Je suis dyslexique. Il est comme moi. Il est silogoman. Silogoman. On sait quoi? Silogoman, ça veut dire quoi? C'est un truc que je ne savais pas il y a 2 heures. C'est quelqu'un qui ne jette rien. Voilà. Ah oui, d'ailleurs c'est dramatique. Parfois il y a des gens qui ont des appartements horribles parce qu'ils jettent rien. Non mais ça va pas. Voilà, quand même. Non mais il y a des gens chez qui on doit faire pas du gros de Gaston Lagaffe quoi. C'est pas, c'est du propre. Silogoman. Allez. J'ai du mal à acheter les choses. On a la même maladie. Garder les choses importantes. Oui, non, mais par exemple, ne serait-ce que la nourriture. Alors ça, je supporte pas qu'on gaspille. Je me force à finir les assiettes de peur des autres. Mais oui, ça me rend dingue. Vous avez tout mangé. On commence à trouver dans des rues des frigos solidaires comme ça où on peut venir poser dans la rue ses restes pour les gens qui n'ont rien. Après les coupes du monde, il y en a beaucoup qui font ça. Repas breton, galette. Ah, je vois que vous aimez toujours autant le foot. Non, mais par exemple, au restaurant, je demande des doggy bags. Ah, une chose assez étonnante, c'est que Laurent a rencontré Michel Houellebecq et il s'est aperçu que Houellebecq connaissait absolument tous ses sketchs, notamment les imitations de Céline Dion. Ah, tout le monde connaît les imitations de Céline Dion. Michel Houellebecq. C'est trop génial. Michel Houellebecq. Vous connaissez plein de textes suffisamment improbables. Moi, je crois. Ouais. Allez, on dit oui. Oui, c'est vrai. Non, mais il connaissait aussi le rappeur. Quand je faisais le rappeur, il était rentré dans ma loge et il m'a fait ah, j'adore foutre la merde. C'est drôle. Donc, ça, c'est étonnant. Ouais. Je vais juste remercier Jérôme Deverdière parce que c'est grâce à lui qu'on a eu pas mal d'informations. Très bien. Merci, balance, Jérôme. Balance. Il est dans le studio. Bravo, Jérôme Deverdière. Balance ton Deverdière. Alors, on va retrouver dans un instant le live des coquettes. Je l'avoue. C'est pas une contre-pétrie? Non. Elles sont super. 11h-12h30. Stéphane Bern sur RTL. Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Michel Gombert, à Croissy-sur-Seine, dans les Yvelines, nous dit pourquoi. Il y a beaucoup de disponibilité. J'ai été pris en charge dans le sens où je suis conseillé dans le choix que je peux faire. Elles vont m'aider à choisir une lunette, elles vont me donner leur avis, si ça me va, si ça me va pas, indépendamment des marques, etc. Elles expliquent assez bien tout ce qui peut être technique ou morphologique. Il y a un côté pédagogique dans leur démarche, et ça, c'est intéressant. Hélène Mahatouk, l'opticienne Optique 2000 de Monsieur Gombert, à Croissy-sur-Seine, dans les Yvelines. Dans notre magasin, on essaie d'accompagner notre client et de lui donner des conseils personnalisés pour que son équipement soit le plus confortable et efficace. Et Optique 2000 étant partenaire de nombreuses mutuelles, nous traitons tout pour nos clients. Alors, Monsieur Gombert, content d'Optique 2000? Je suis très satisfait et de plus, on s'occupe de tout pour moi et ça, c'est très chouette. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. Alors? Je vois, 5000 appartements neufs. 5000, c'est bon ça? Oui, très très bon pour l'investissement. Je vois des logements idéalement situés avec des prestations de qualité. Excellent. Ensuite? Je vois des taux bas et des mètres carrés offerts. Ah bon? Combien? 3. 3 mètres carrés, c'est génial. Et vous arrivez à voir tout ça dans une boule de cristal? Ah bah non, je suis sur le site de Cogedim, c'est plus sûr. Il est mignon. Avant le 21 décembre, Cogedim vous offre jusqu'à 3 mètres carrés sur 5000 logements neufs. Cogedim, vous verrez la différence. Plus d'infos sur cogedim.com. En exclusivité sur M6, France-Uruguay. Après leur défaite face aux Pays-Bas, comment les Bleus vont-ils réagir face à la redoutable équipe d'Edinson Cavani? Et après le match, ne ratez pas un documentaire inédit sur Kylian Mbappé. France-Uruguay, coup d'envoi à 21h en direct du Stade de France, suivi du documentaire Kylian Mbappé, Les secrets d'un surdoué, ce soir sur M6. Diffuseur officiel de l'équipe de France. Avec M6, le foot, c'est gratuit. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les courses d'Anaïs qui changent, avec le nouveau programme de fidélité Auchan. Anaïs, pour te remercier de ta fidélité, Auchan en fait moins pour toi.

vrai, vous êtes en tournée nationale à partir de janvier. Ouais. Et c'est la dernière année qu'on joue ce spectacle. Pourquoi la dernière année? Bah parce que ça fait déjà presque 4 ans. Depuis 2015, on a eu beaucoup de chance. On a joué plus de 500 fois, je pense. Puis ça y est, on a réalisé notre rêve. On a fait l'Olympia, on va faire le Grand Rex. On a fait à la bonne heure, ça y est. C'est bon, quoi. mais alors, ce que j'aime bien chaque fois que vous chantez vos chansons, c'est qu'à la fois on rit et puis les gens font « Oh, quand même !» Ça aussi, ça nous plaît bien. Oui, parce que vous y allez fort, c'est vrai. Ouais, oui. Là, vous cassez les mythes, vous cassez les rêves. Bah, nos chansons, ça va de l'excision à l'amitié. Oui. Voilà, c'est assez large. Comme Juliette. Voilà, merci. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on s'autorise en tout cas tout ce dont on a envie de parler. On en parle. Rattrape-toi. Voilà. Le tout, c'est de le faire en chanson et en humour. Exactement. En tout cas, bravo, Coco. Merci beaucoup. À bientôt. On se retrouve dans un instant. Éric Dussard et Laurent Gérard, évidemment, mais Éric pour le Zapping Télé. RTL, Stéphane Bern, à la bonne heure. Mesdames et messieurs, notre bus commence doucement sa descente vers la plaine du Black Friday. Ouvrez bien l'œil, c'est ici que vivent les smartphones à prix cassé. Et avec un peu de chance, on pourra peut-être... Oh, regardez là! On en voit déjà un! Et là, un autre qui pointe le bout de sa coque! Bon, la traversée ne dure que 7 jours, alors on va vraiment en profiter à fond. Ouvrez les fenêtres et sortez les filets! Pendant le Black Friday chez SFR, du 19 au 25 novembre, c'est la semaine pour s'équiper. Profitez d'une sélection de mobiles à prix cassé. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition. Lidl, meilleur choix de magasins de l'année. Allô patron, c'est Black Friday chez Lidl. Black Friday. Ah oui, et vous allez encore broyer du noir. Hein. Dès demain, les 3 bouteilles de champagne brut Bissinger Premium cuvée AOC dont une offerte sont à 49,98€. 16,66€ la bouteille du Bissinger brut Premium cuvée AOC. Ah mais oui, 2 bouteilles de champagne plus une offerte. Là, ils poussent le bouchon trop loin, non? Ah oui. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 22,21€ le litre, 24,99€ la bouteille vendue seule, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pendant ce temps chez Renault, ne passez pas à côté du phénomène Black Friday. Il arrive avec un taux exceptionnel de 0,99% pour un crédit sur 4 ans, exclusivement les 23 et 24 novembre dans les concessions Renault participantes. Et un tel taux, ça vaut bien 15 secondes de mention légale. Exemple pour 10 000 euros empruntés, 48 mensualités de 212,55€, TAEG fixe 0,99%, montant total du 10 202,40€, taux débiteur fixe 0,74%, frais de dossier 50€ si accordiaque. Voir détails sur Renault.fr. À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute. Alors Éric, on commence avec une candidate inattendue des amours. Oui, je me demande si j'ai pas vu dans les amours la nouvelle compagne d'un personnage que Laurent Gérard imite si bien, Dominique Strauss-Kahn. Écoutez, il y a de quoi se poser la question parce qu'il n'y a que lui hein, pour demander des trucs pareils à sa petite copine. C'est vrai qu'il vous a demandé de faire une sextape ? Oui. C'était son cadeau d'anniversaire l'année dernière, ouais. Et c'était son fantasme. D'accord. Et un homme qui a vu autant de femmes avant dans sa vie, il faut savoir le tenir quand même. D'accord. Donc, Gwendoline. Je pense que ça remonte à mai 2017, lors de la fête des voisins. Il a tendance à être très proche de ses voisins, mais même peut-être un peu trop proche. C'est-à-dire que ce soir-là, je me retourne et il était... derrière sa voisine en train de gentiment lui toucher la poitrine sans arrière-pensée. Bah non, bien sûr. Bien sûr. Bah, on pleure toujours sa voisine juste pour entre voisins, voisinage. Faut s'entraider. Mais c'est la fête des voisins. Chercher la sonnette de la maison. Il faut se soutenir. Vous imaginez la fête des voisins chez eux 9 mois plus tard, ça doit être un peu le bordel. Hein. Il a qui cet enfant? Putain, j'adore cette fête des voisins. En parlant d'amour, il y avait L'amour est dans le pré hier soir sur M6. Avant dernier épisode, donc c'était l'heure du bilan pour les agriculteurs célibataires qui n'ont pas toujours été très satisfaits des courriers qu'ils ont pu recevoir. Vous êtes très difficile physiquement et vous n'aviez pas a priori dans le courrier ce qui vous plaisait. Attends, j'ai dans le courrier, j'ai une dame qui m'a écrit 68 ans. Bah t'as quel âge toi? Bah 48. Et c'est peut-être pas une deuxième mère que je cherchais. Hein. Mais est-ce que t'es pas trop difficile? Non, je suis pas trop difficile. Mais tu te mets pas avec quelqu'un quand t'as pas d'attirance, c'est tout. S'il n'y a pas des bombasses qui t'ont écrit, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans ton physique qui fait que les bombasses ne t'écrivent pas. Non, je pense pas, mais bon. C'est moi où elle vient de dire qu'il était moche, en fait. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça, quand même. Ça va, Karine? Hein, bon. Vous savez qu'il flotte comme un parfum d'amour aussi sur W9, chez les Marseillais de W9, cette fois, là aussi, ça se bécote. Parfois, ça se chamaille aussi. Hein. On a un candidat qui s'est embrouillé avec sa petite copine, il se parle plus. Et alors, pour tenter de les rabibocher, deux de ses potes ont écrit en son nom, sans le lui dire, une lettre destinée à la demoiselle. Ils se sont fait passer pour lui. Attends, faut trouver des expressions à lui. Comment il l'appelle? Ma cougar, ça va le faire rire. Ma cougar. Trop de fierté pour te dire ça en face. Tu me manques comme Karim Benzema manque à la France. Ouais. Comme une voiture de sport sans ses jantes. Je conclue, je tiens à te dire que ce que j'ai dans la poitrine est à toi. Donc là, je pense qu'on a été fort. Franchement, ça devrait le faire. Elle devrait tomber dans le panneau. Ah bah, on s'y revient pas avec ça. Tu me manques comme une voiture de sport sans ses jantes. Karim Benzema. Je comprendrais pas, c'est une déclaration d'amour. Hein. Bon, elle a répondu. Bah, vous savez, ils finissent toujours par se remettre ensemble à un moment donné hein, dans cette émission. Mais l'ambiance est assez tendue chez ces Marseillais de W9, je trouve. Ils passent leur temps à se casser du sucre sur le dos, voire encore pire que ça. Dans la famille du reste du monde, vous avez un gros problème à gérer. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une petite réunion. Je pense qu'Alix, elle casse du bois derrière le doigt, Stéphanie, énormément. Ouais, bah, lui casse du bois sur le dos, les rondins de bois, ça fait autrement plus mal que du sucre, quand même. Hein. Non, franchement, ils sont meilleurs, vous savez quoi, sur les expressions, quand ils les inventent finalement de toutes pièces. Ben, tu vois, je me serais pas agacée, je me serais pas énervée, mais voilà, j'avais plus envie. Du moment où je me suis pris la tête avec toi, j'avais plus envie de jouer, en fait. On est en train de tourner autour du mini-golf, c'est pas une question de ça. Je m'en carre l'escalope. Je m'en carre l'escalope, c'est juste que je m'en carre l'escalope. Je dirais même dans leur cas, je m'en carre l'escalope de dinde. Car c'est quand même l'espèce la plus représentée dans cette émission. Hein la dinde, oui. Alors, Energy 12 essaye de relever le niveau. Oui, vous savez qu'ils ont les mêmes, sauf que chez eux, ça s'appelle les anges. Ils sont en Espagne, on appelle ça la fuite des cerveaux, ou plutôt les cerveaux qui fuient. Mais bon, au moins, ils essaient de se rendre utile en apprenant notamment à fabriquer des chaises. Ils nous expliquent qu'ils ont dû construire des chaises en osier. Moi, osier, je pensais que c'était le prénom du patron. Bah en fait non, l'osier c'est une matière où on fait des tresses et ça fait des meubles. Mmh. Voilà. C'est génial. Je pense que ça va être tissé les chaises. Moi franchement je suis manuel avec mes mains. Avec mes mains. Mais il l'est peut-être avec ses pieds aussi. Oui. Le problème c'est qu'ils sont toujours pas cérébraux avec leur cerveau. Oui. La capitale de du Pays de Galles. Amsterdam non? Que où? Bien sûr, et Cardiff maintenant, c'est pas loin de Rotterdam aux Pays-Bas. C'est marrant, hein, tous ces pays qui sont. Il y a un problème de géographie. Si c'était que de géographie, ça irait. On vous retrouve tout à l'heure, vous avez un petit cadeau pour Laurent Gérard. On va retrouver Laurent Gérard tout à l'heure, dans un instant, à tout de suite. Bonjour, c'est Bernard Sabat. Les vacances approchent, mais avez-vous pris toutes les garanties pour partir sereinement? Avec la PST, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, vous êtes totalement protégé. En cas de défaillance du professionnel du tourisme qui a préparé votre voyage, vous partez quand même. Au pire, vous êtes remboursé. Pour reconnaître les 3600 membres de la PST, cherchez la petite coccinelle sur leur vitrine. La PST, la garantie financière de vos vacances. RTL, il est midi. Et pour les informations, nous retrouvons Bénédicte Tassa. Rebonjour Bénédicte. Rebonjour. Carlos Ghosn n'est plus en état de diriger Renault. Le ministre de l'économie a été clair ce matin chez nos confrères de France Info. Bruno Le Maire annonce une future gouvernance intérimaire pour le constructeur automobile. Le conseil d'administration doit se réunir ce soir. Carlos Ghosn sera démis également de ses fonctions chez Nissan demain. Mais Bruno Le Maire précise que pour l'instant, nous ne disposons d'aucune preuve. Le président de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est soupçonné de fraude fiscale et de malversation financière. Carlos Ghosn a été interpellé hier matin à l'atterrissage de son jet privé devant les caméras. Il est au centre de détention. Au Japon, la garde à vue peut durer 23 jours. Toujours des blocages en France. Quatrième journée du mouvement des Gilets jaunes. À Perpignan, des lycéens appellent à manifester en ce moment en signe de solidarité. Le dépôt de carburant de Cournon d'Auvergne vient d'être débloqué. Déblocage également du site de Fos-sur-Mer. En Mayenne, un gilet jaune est en garde à vue après avoir proféré des menaces de mort contre le préfet. À Lisieux, les policiers sont aussi intervenus pour dégager une centaine de camions. La société d'autoroute Vinci informe d'une opération de filtrage en ce moment au péage de la Barque à Aix-en-Provence, des barrages à Arles ou encore sur l'A10 au péage de Virsac au nord de Bordeaux, là où des gilets jaunes ont mis le feu la nuit dernière. Et puis dans le nord, encore de nombreux barrages à Grande-Synthe, à Lillers ou encore au Touquet. Les courses, c'est à Chantilly cet après-midi. Voici les pronostics de Claude-Pierre Santi pour le prix du paddock. On rappelle que le 7 est non partant, le 6, le 12, l'As, le 5, le 11, le 9 et le 10. Le temps pour cet après-midi, les petites précipitations de pluie et de neige mêlées deviennent éparses. J'ai fait une super... C'est pas très grave. On a fait ceux qui n'entendaient pas. Voilà. Elles deviennent éparses. Sur la Bourgogne, l'Île-de-France, la Normandie et les Hauts-de-France, il pleut plus qu'il ne neige aussi en Auvergne-Rhône-Alpes et en Franche-Comté. Un ciel maussade sur la Méditerranée avec des orages en bord de mer. En fait, les rares éclaircies, on les trouvera sur la façade l'Atlantique. Les températures, 2 à 6 degrés en général sur la moitié nord, jusqu'à 8 degrés en Bretagne et sur la moitié sud, 6 à 9 degrés, jusqu'à 15 degrés près de la Méditerranée, 17 en Corse. Rendez-vous donc dans une demi-heure maintenant pour le journal de Christelle Robière. Son invitée, Nathalie Depoire, la présidente de la coordination nationale infirmière, à propos de la journée d'action des blouses blanches. Et puis à 13h, les auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Praud. Bonjour. Après les gilets jaunes, les blouses blanches, effectivement, possiblement. En tout cas, la question du jour, bonjour Bénédicte, y a-t-il une dérive totale du mouvement des gilets jaunes, comme le pense Christophe Castaner? Vous pouvez réagir entre 13h et 14h, 32-10. Vous pourrez également réagir sur Carlos Ghosn. Manifestement, la présomption d'innocence ne joue pas pour le patron de Renault, qui est déjà condamné médiatiquement et politiquement. Vous pouvez donner votre sentiment, toujours entre 13h et 14h. Au 32-10. En attendant, c'est à vous Stéphane Bern pour la suite d'À la bonne heure. C'est gentil. Midi et 3 minutes. Merci beaucoup Bénédicte Tassard, merci Pascal Praud. Nous retrouvons Laurent Gérard pour à la fois son spectacle. C'est le coffret anniversaire sans modération. Il continue à le donner d'ailleurs le spectacle, enfin le jouer jusqu'au, oui, jusqu'au 19 décembre à Lyon. Et puis après il reprend. Voilà, à partir de, ouais, d'avril, oui. Voilà, et si vous voulez retrouver eh bien, les textes de Laurent Gérard au Cherche Midi, filet de Macron et autres pommes à l'huile, c'est donc au Cherche Midi. Vous aviez un petit cadeau et oui, qu'on doit premièrement à Marc-Olivier Fogiel lorsqu'il vous avait reçu sur le divan sur France 3. Il avait retrouvé une très très belle archive de Laurent Gérard, déjà imitateur à l'âge de 5 ans. Écoutez ça, par exemple, sur scène à 5 ans, ça donne ça, Laurent Gérard, posé par son grand-père sur les tréteaux de la salle des fêtes. Je vais vous présenter mes imitations. Donc, Chabon Delmas. Française, français, je vous imite Chabon Delmas. Moi, je vous imite Chacha Distel. Toute la pluie tombée sur moi. Cinq ans, vous faisiez déjà des imitations. 6 ans, votre premier Olympia, on le rappelle. Ouais, sûr, oui. Le mais Mozart de l'imitation. Mais c'est, je suis un peu Shirley Temple. Oui, mais c'est en fait, ouais, c'était des une évidence, quoi. Une bah évidence. Oui, je m'imaginais pas faire autre chose, même déjà à 5 ans. C'est comme à 5 ans, Stéphane roulait déjà en carrosse, vous voyez. Non, évident. Non, pas du tout, mon pauvre. C'était à 6 ans. C'était une calèche. Non. Alors, j'ai quand même quelques dates, hein, parce que c'est important. Vous êtes le 28 à Montluçon, le 29 à Roanne, le 30 à Grenoble. Ça, c'est pour le mois de novembre. Voilà. Chez Laetitia Nallet. Enfin, chez elle. Ah oui, c'est grand, alors. C'est grand, ah oui, c'est grand. Ouais. Hein. Le 1er décembre à Chambéry, là, vous irez du ski. Là, après, vous allez le 6 à Dunkerque. À mon avis, il y a du ski. Entre il a bien géré son agenda. Le 7 à Douai, le 8 à Amiens, le 12 à Boulazac, le 13 à Aurillac, le 14 à Clermont-Ferrand, le 15 à Saint-Étienne et en apothéose. Et Lyon, après. Le 19 décembre à Lyon. Voilà. Allez, on va retrouver. Excusez-moi Stéphane, nous avons une question de Kevin à Bourg-en-Barreau. J'aimerais devenir auteur pour Laurent Gérard et je voudrais savoir quel cursus scolaire il faut avoir suivi. Alors, il faut faire l'école des mines, pas l'école d'ingénieurs parisienne. Non, il faut aller dans des bars et se prendre des mines pour bien préparer son foie. Sinon, c'est même pas la peine d'essayer, vous ne tiendrez pas une saison. D'accord. Merci beaucoup Stéphane Rose. Allez, on va retrouver dans un instant Laurent Gérard et on va continuer à parler de ce qu'il aime avec notre moment patrimoine. À tout de suite. À la bonne heure sur RTL, Stéphane Bern jusqu'à 12h30. Pour notre appart, au début, mes parents, ça les stressait d'acheter du neuf. Les imprévus, pas prévus. La grosse tempête qui retarde la livraison. J'ai dû intervenir. Eh, les parents, Vinci Immobilier for You, on connaît pas? Ça vous dit rien? C'est ça, les parents. Faut savoir leur parler. Avec Vinci Immobilier for You, vous êtes dédommagé en cas de retard, même s'il est dû à une intempérie. Pour acheter dans le neuf en toute sérénité, Vinci Immobilier for You. Vinci Immobilier pour vous. Détails et conditions de l'indemnité versée en cas de non-respect du délai de livraison fixé dans l'acte de vente sur vinciimmobilierforyou.com ou en bureau de vente. Tiens, tu lis le nouveau détective. Eh oui, il n'y a que dans ce journal que je trouve des histoires passionnantes. Ah, et c'est sur les faits divers? Oui. Oh, t'as tous les détails de l'enquête, hein. Des témoignages incroyables. Ah, c'est pas pour rien qu'ils sont numéro 1. C'est mon petit plaisir du mercredi. Le nouveau détective. Des vérités que vous ne lirez nulle part ailleurs. 1,60€ seulement. Au fait, Vinci Immobilier est encore la marque préférée des Français dans la catégorie promoteur-constructeur. Étude réalisée du 30 janvier au 2 février 2018 par Toluna auprès d'un échantillon représentatif de 1100 personnes de la population française de 18 ans et plus. tout douce France. RTL, à la bonne heure. Cher pays de mon enfance. Souvenir d'enfance. Bercé de tendre insouciance. Ah oui, c'est le générique de notre... Très joli, bah c'est bien. Notre moment patrimoine. C'est du Booba quand même. Ah oui, oui. C'est pas de la même image de la France. Oui, pas très douce, non. Je ne veux pas dire du mal. C'est pas du tout. Ne me poussez pas non plus. Bon, c'est vrai que Charles Trenet, c'est voilà, cette douce France. Vous nous emmenez dans la haute vallée de l'Arc qui longe la frontière italienne. C'est la haute Maurienne, dans la région du Mont-Cenis. Absolument. C'est de là d'où vous venez, non? Vous êtes mon grand-père était originaire de là-bas, et puis moi j'allais faire du ski quand j'étais petit, et c'est vrai que j'ai des origines savoyardes, italiennes aussi, et savoyardes, c'était le royaume Piémont-Sardaigne. Bien sûr, c'est le Piémont-Sardaigne, mais il faut dire que les gens n'imaginent pas, mais c'était le lieu des échanges commerciaux. Absolument. Depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire que les Italiens nous amenaient des étoffes et des épices. Et la Joconde. Oui, la Joconde. Qui est passée. Il faut quand même le rappeler. On l'a payé. Elle est passée par là. Et en échange, nous, on donnait du Beaufort. Voilà, du Beaufort d'Alpage. Ouais, non, mais c'est un beau lieu d'échange, effectivement. Les écrivains passaient, parce que c'était la route, en tout cas, dans ce sens-là, pour aller voir le pape. C'est Napoléon qui avait tracé après la route du Mont-Cenis. Il adorait le Mont-Cenis, Napoléon. C'est pas tellement la route que vous utilisez pour aller voir le pape. Non, d'ailleurs, j'ai pas été invité. Vous n'allez pas tous les jours. Heureusement qu'il ne vous écoute pas. Mais j'adore aller en Italie, c'est un pays que j'aime énormément. Mais c'est vrai qu'il se passe plein de choses. Il y a le diable de Bessan. Je ne connais pas cette tradition, vous connaissez? Oui, bien sûr, oui, c'était en fait à Bessan, donc un des villages de Haute-Maurienne, où le sculpteur ne s'entendait pas du tout avec le curé du village. Donc il avait sculpté un diable qui mettait à l'entrée de la porte de l'église, avec un diable qui tenait le curé sous le bras. Et petit à petit, ce diable est devenu un porte-bonheur. Moi, j'en ai un dans mon chalet, j'en ai un à Paris. Le diable est un porte-bonheur, chez nous. Très bien. Ça m'arrange. Alors, il y a plein de choses. Il y a par exemple tous les forts, les forts de Saint-Gobain, le fort de l'Essayon, construit au 19e siècle, qui était destiné à protéger les armées françaises. C'était les fortifications sardes. Ils n'ont pas beaucoup servi, d'ailleurs, parce que après, la Savoie est redevenue française. Il y a un peu plus de 150 ans, même. Et puis, il y a les sardières aussi. Oui, et je disais, le baroque, très très présent, l'art baroque. L'art très baroque présent dans les églises, notamment, et c'est très très beau, c'est très flamboyant, c'est très très beau. Et puis, il y a 6 stations dans la Haute-Maurienne, on pratique ce que vous aimez, c'est-à-dire le ski alpin. Oui, et le ski de fond. Et le ski de fond. Le ski nordique aussi, les raquettes, les chiens de traîneau. Oui, il y a un peu. La luge, les patins, enfin, on peut. Oui, et puis c'est une vallée assez rude. Donc c'est bien parce qu'il faut ça se mérite. Il y a beaucoup de Bretons qui viennent d'ailleurs. Il y a un très bel échange avec la Bretagne. Il y a beaucoup de Bretons. Une espèce de côté irréductible que j'aime bien. Et surtout, moi j'y vais en toute saison. Là, j'y suis allé à la Toussaint parce que les couleurs sont extraordinaires. Ouais. C'est l'été indien, les mélèzes. Qui est le seul qui perd ses aiguilles. Donc c'est très très beau, c'est très coloré, c'est feu, c'est coloré. Et vous allez au Festival National de l'Accordéon? Il fait son festival. J'ai eu l'occasion. Oui, c'est au mois de janvier, c'est la 12e, 15e de janvier. Mais il y a Festival de Laurent, le festival. Oui, c'est vrai. 16 au 19 mars, je crois. Voilà, c'est ça. Oui, c'est chaque. J'ai la chance d'avoir. Non. Ah non? Du tout? Non, c'est pas thématique du tout. Pas que. J'ai la chance d'avoir un auditorium qui porte mon nom là-bas, comme j'ai. Voilà. Et de 400 places, où la revue de presse d'ailleurs de Paris Première vient depuis quelques années maintenant tous les lundis. Et cette année, nous avons Carla Bruni, la revue de presse, François Morel et une revue. J'essaye de varier les plaisirs. On a eu Pierre Perret, Bernard Lavillier, Vincent Niclot, voilà. Très bien. C'est pas mon boulot d'être programmateur, mais c'est assez joyeux. Enfin, je crois que mes camarades peuvent en témoigner. Oui. Extraordinaire. Bon, il met toujours 3 semaines à s'en rendre. Quand il en revient, il met du temps. Il met du temps. Mais très bien. Vous bossez là, Stéphane Rose. Oui, pardon, une question de Kimberley à Paris. Ah, la voilà. Est-ce que je peux faire une turlute à Franck Leboeuf tout en restant végétarienne? C'est une bonne question. Je savais bien que ça allait dégénérer. Je ne peux pas cautionner. Ce sont des mots simples comme ceux que chante Vanessa Paradis. Ils sont un peu différents, les siens, quand même. J'ai quelques mots à te dire, des mots simples.

Chérie, mardi chez Leclerc, et ce mardi seulement, 30% de remise immédiate sur le rayon soupe. Toutes les soupes ? Parfaitement, 30% de réduction immédiate sur toutes les soupes, de toutes les marques, de tout le rayon. Ça y est, j'ai envie de soupe. Mardi 20 novembre chez Leclerc, bénéficiez de 30% de réduction immédiate sur tout le rayon soupe. Le super pouvoir d'achat du mardi, c'est de pouvoir s'offrir ses produits préférés dans ses marques préférées. Offre non cumulable avec d'autres promotions en cours. Voir modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Et c'est mardi seulement. Pour votre santé, évitez de grignoter. Moi, Agatha Raisin, vous me connaissez. Je suis capable de tout. Ma dernière folie, je suis tombée folle amoureuse du prêtre du village. Est-il lui aussi tombé amoureux de moi ? Il n'en a pas eu le temps, le pauvre. On vient de le retrouver sauvagement assassiné dans son presbytère. Alors, la super détective qui sommeille en moi va venger la femme amoureuse. Car je suis bien décidée à retrouver celui, ou beaucoup plus certainement celle, qui a volé l'amour de ma vie. Chantage au presbytère. Du pur Agatha Raisin, tout simplement divin. Un livre Albin Michel. Bonjour, c'est Stéphane Thébault. Dans les belles maisons de France que je visite, le volet roulant est choisi pour le confort qu'il procure. Bubendorf, la référence du volet roulant, vous propose un volet solaire ne nécessitant aucun branchement électrique. À 599 € pour ce comprise, quelle que soit la dimension, c'est facile. Prix TTC posé conseillé des trois solutions solaires achetées, conditions intégrales de l'offre et installateur sur solar.bubendorf.com. RTL. Les gondoles à Venise. Le printemps sur la Tamise, on n'ouvre pas les valises, on est si bien. Quand les femmes s'étalent sous le soleil d'été, qu'on voit à la télé les fachos s'énerver. Que reste-t-il de mes amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Une photo, vieille photo de la princesse. RTL. À la bonne heure, c'est le pop quiz. Ah là là, vous avez reconnu évidemment quelques grands tubes de Laurent Gérard, des Gondoles à Venise avec les Macron, Jean-Marie Le Pen que je t'aime et Valérie Giscard d'Estaing. Les imitations évidemment ne sont pas les originaux. Ah, c'est sûr. Ah bon ? Reste-t-il ? Non, je dis pas. De la princesse. Et voilà, et toutes les chroniques de Laurent Gérard, vous pouvez les réécouter en podcast via notre site rtl.fr. Alors Laurent, vous allez jouer pour Odile. Bonjour Odile. Bonjour Stéphane. Bonjour. Oula. Ça va bien. Vous êtes dans la. Vous êtes au Mans. Vous êtes au Mans dans la Sarthe. Ah oui. Tout à fait. Oui. Très bien. La ville de Sibi. Et vous allez jouer pour. J'ai joué au Mans. Déjà. Vous avez joué au Mans déjà. Vous, là, vous allez jouer pour Odile. Odile. Et moi je vais jouer pour Roselyne. Bonjour Roselyne. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes dans l'Allier, n'est-ce pas ? Je suis dans l'Allier, oui. Vous êtes loin de Moulins ou pas ? 30 km. Ah, très bien. Ah, bah très c'est bien. Perdu, il fallait 25 km maximum. Non, mais parce que j'ai tourné un mot 30 à Moulins. Je suis tombé en amour pour cette ville. C'est génial. Ah, je trouve Moulins. Moi, ça me fascine toujours que Vichy soit dans l'Allier. Oui. Oui, c'est vrai. C'est très drôle. C'est vrai. L'ironie du sort. Les pauvres, ils aimeraient se détacher de cette image. Bon. Allez, je vous propose de jouer. On va deviner des personnages, des personnalités. Alors, je n'ai pas de gilet jaune, mais je suis pourtant moi aussi le porte-parole des petites gens et je meurs, s'il le faut, aux représentants de l'ordre. En gros, je préfère la morale à la justice et la vérité à l'ordre. Et pour faire le bien, je suis bien entendu honnête, mais enfin, je ne refuse, je suis parfois sans scrupules. Officiellement, je serais né comme François Mitterrand et comme Patrice Carmouze d'ailleurs, un 26 octobre, le 26 octobre 1808 officiellement, mais il est difficile de savoir ce qu'il y a d'officiel dans ma biographie. Mon père s'appelait Laurent Mourguet. C'est lui qui me donnera. Ah oui, Maupassant ? Non, c'est le personnage de Guignol. C'est Guignol. C'est Guignol. Ah voilà. Institution lyonnaise. C'est-à-dire que moi j'ai fait une déclaration, je me suis dit, c'est le personnage qu'il avait joué dans Maupassant. Qui était dentiste. Voilà. Oui, absolument. C'est parce qu'il arrachait les dents qu'il a imaginé des petits spectacles pour pendant qu'on arrachait les dents, eh bien on distrayait pour distraire les gens pendant qu'on leur arrachait les dents. Et vous avez noté que Patrice, vous avez appris qu'il est donc le 26 octobre 1808. Voilà, non, 26 octobre. Ah, mais pas 1808. Non, Mitterrand non plus n'est pas en 1808. Vous, je me demandais. Alors, vous pouvez peut-être vous rattraper, Stéphane. Je vous remercie. Avec le deuxième personnage. Vous m'humiliez tous les matins. Deuxième personnalité. Alors, je suis un compositeur, chef d'orchestre, fils moi-même de violoniste. J'ai fait le Conservatoire de Paris, j'ai obtenu le prix de Rome de composition musicale. Et je suis l'auteur d'œuvres symphoniques, de compositions pour orchestre de chambre et pour soliste. Mais je me suis aussi intéressé à l'opérette et à la variété. J'ai composé pour Edith Piaf, pour Liza Minnelli, pour Frank Sinatra, mais aussi la musique des dessins animés d'Astérix ou de films comme Le Petit Baigneur. Avec Louis de Funès. C'est Gérard Calvi. Gérard Calvi, voilà, et je suis le père. Et je suis le père d'un journaliste que Laurent rencontre tous les matins. Stéphane, pour info. Vous m'avez vraiment humilié. Vous m'avez vraiment humilié. Quelqu'un peut dire à Stéphane que le jeu a commencé? On y va, là, on attaque? Écoutez, Gérard Calvi, oh non, il n'a pas l'air content. Il pouvait quand même trouver le guignol, et Gérard Calvi. Ben oui. Oui, il pouvait, il n'y a pas fait. Vous prenez des personnalités qui sont proches de l'invité. Mais Lyon, okay. Il fait la bringue avec les têtes couillonnées alors. Il est un peu fatigué. Après, je me trouve comme un gland. Alors, c'est Odile qui a gagné. Merci beaucoup. Grâce à Carré Blanc, vous avez gagné 500 euros d'achat. Et c'est moi qui ai écouté. J'ai rien gagné moi. Oui, non, vous n'avez rien. Vous avez fait gagner Odile. Par contre, beaucoup, vous allez vous mettre en contribution. Est-ce que je vais, chère Rosine, je vais vous envoyer le DVD de Laurent Gérard. Ah, mais c'est génial. Voilà, les deux DVD, Laurent Gérard sans modération, sa cuvée anniversaire parce qu'il a eu 50 ans. Et donc, je vous l'envoie comme cadeau pour vous remercier de votre fidélité, ainsi qu'à Odile, cadeau de vous remercier de votre fidélité. C'est mieux que du linge, hein. Mais ça dépend, moi personnellement. C'est vrai que j'avais besoin de renouveler ma couette. Un petit peignoir, oui, c'est vrai. Ouais, un petit peignoir, ça me va bien. Oui. Mais on va écouter, voilà, c'est deux cadeaux et c'est comme ça. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Bonne journée, Odile. Bonne journée, Rosine. Je vous embrasse bien fort. Bonne journée à l'écoute d'RTL. On retrouve Laurent Gérard dans un court instant. Joignez RTL au 3210, 50 centimes la minute, ou au 74 900, 65 centimes par SMS. Alors comment allez-vous depuis la dernière fois ? Je dors plus depuis des semaines. J'y pense tout le temps. Les portes de placard, j'en ai acheté plein. Mais il m'en faut toujours plus. Jusqu'au 26 novembre, c'est la folie des prix bien faits chez La Paire. Et on vous offre 30% de remise sur les portes de placard sur mesure Union. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Pendant ce temps, chez Renault, ne passez pas à côté du phénomène Black Friday. Il arrive avec un taux exceptionnel de 0,99% pour un crédit sur 4 ans, exclusivement les 23 et 24 novembre dans les concessions Renault participantes. Et un tel taux, ça vaut bien 15 secondes de mention légale. Exemple pour 10 000 euros empruntés, 48 mensualités de 212,55 €, TAEG fixe 0,99%, montant total du 10 202,40 €, taux débiteur fixe 0,74%, frais de dossier 50 € si accordiaque. Voir détails sur Renault.fr. Auchan. Et la vie change. Et pendant les 125 jours au champ, c'est le dressing de Clara et Léo qui change. Avec 50% en cagnotte sur une sélection de collants et de boxers DIM. 50% Clara. Un prix bas pour débat. Mieux vaut ça que l'inverse. Eh, l'autre bonne nouvelle, c'est que tu vas aussi pouvoir changer les vieux boxers de ton chéri. Dès demain et jusqu'au 4 décembre, vos magasins Auchan proposent 50% en cagnotte sur une sélection de collants et boxers DIM. Et votre dressing change. Auchan. Montant crédité sur votre compte Waouh, voire conditions et produits concernés en magasin. Les défis Soch. Imaginez un chant de Noël. Je suis passé chez Soch. Une superbe promo se cache dans ses cadeaux. Hey, en chaussons, dans ce salon, célèbre en chanson, en chanson, en chanson. Jusqu'au 26 novembre, 9h, profitez du forfait 50 gigas à 9,99€ par mois pendant 12 mois, puis 24,99€ par mois sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Rapport Arcep 2018. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription. Un forfait 24,99€ par mois. Détails sur Soch.fr. Soch! Pendant les 7 jours à prix impressionnant, vivez un Black Friday géant. Chez Géant, la TV LED HD Océanique 82 cm est à 99,99€ au lieu de 119,99€. Et aujourd'hui, profitez de moins 20% en plus avec la carte de fidélité ou moins 50% en plus avec la carte bancaire, soit une économie cumulée de 58%. Oui, 58% d'économie sur la TV LED HD Océanique 82 cm. Cette année, la semaine Black Friday, c'est... Yeah. Remise effectuée sous forme de cagnotte. Voir conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr. La fille des Templiers, c'est le grand roman de Mireille Calmel. Vous avez lu le tome 1 ? Bonne nouvelle ! Le tome 2 est aujourd'hui en librairie. Vous ne l'avez pas lu ? Deuxième bonne nouvelle ! Les deux tomes vous attendent pour vivre un incroyable roman d'aventure. La fille des Templiers de Mireille Calmel, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. L'instant d'Arty. Tu vois ce grand trou dans le mur de ta cuisine? Oui. Eh ben j'ai peut-être une idée. C'est le Black Friday chez Darty. Jusqu'au 26 novembre, le four encastrable Fort classe A+ est à 349€ au lieu de 599, soit 250€ d'économie. Référence FOP 67902XU. Black Friday, vendredi fou. RTL. 11h, 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Laurent, je sais que je vais vous poser une question difficile. Il y a tellement de personnages que vous faites, enfin, oui. que vous incarnez aussi ou que vous interprétez dans votre spectacle, que vous, de gens qui ont disparu, que vous admirez et que vous avez admiré. Alors, si je vous donne la possibilité d'en faire revenir quelques-uns. Alors là, c'est difficile quand même. Difficile, oui. Bah, oui, c'est difficile parce qu'en plus, c'est souvent des chanteurs. Donc, oui. Donc c'est... Non, je raconte une anecdote pour Jean d'Ormesson que je dis dans le spectacle. C'est que c'est vrai, un jour, il était venu, il m'avait dit. Je t'ai écouté sur RTL, je me suis dit, ce Gérard exagère. Eh bien, je me suis rendu compte que c'était moi qui parlais. Et pareil, un jour, mon équipe, ils étaient très impressionnés que Jean d'Ormesson vienne en coulisses. Ils disaient, comment il faut l'appeler, maître? Ouais. Je dis, bah, posez-lui la question. Alors, ils viennent, ils disent, alors, comment on doit vous appeler? Il dit, vous avez le choix. Soit maître, soit mon gros lapin blanc. Ah non, il était tellement drôle. Ben, génial. C'était vraiment... C'était quelqu'un de délicieux. Et d'ailleurs, il y a son livre, Un Hosanna sans fin. C'est formidable. Oui. Son dernier livre, un peu inachevé, mais magnifique. Une sorte de testament, comme cela. Et là, si vous aviez la possibilité d'aller déjeuner avec une personne vivante que vous admirez. Déjeuner avec une personne vivante que j'admire. Oui. Oh, alors, j'ai eu la chance avec mon métier d'en rencontrer beaucoup, mais alors, non, je ne sais pas trop finalement. Oui. Il n'y a pas grand monde que vous admirez. J'aurais aimé, vous les avez tous vus. Déjeuner avec Dean Martin ou Brassens ou avec Ferré, mais là c'est pas possible. C'est un peu trop tard. Mais là, non, c'est vrai qu'avec mon métier, j'ai rencontré quand même. Vous rencontrez tout le monde, oui. Et pourtant, ce qui est incroyable, c'est que le succès ne vous a pas changé. Vous faites partie de ceux, rares, il faut le dire, que le succès n'a pas changé. Ça sert à rien, non? Oui, mais allez le dire aux autres. Parce qu'ils le font. Je sais pas si c'était. Qui est-ce qui avait dit ça? C'était Georges Bernard Shaw. Je sais pas, en tout cas, essayez d'être vous-même, les autres sont déjà pris. Hein. Oui, mais c'est vrai. C'est vous-même, vous n'avez pas changé, mais c'est peut-être le regard des autres qui change. C'est souvent le regard des autres qui change. Oui. Mais non, je crois que. Puis j'ai vraiment des amis dans tous les milieux, dans tout. Je suis avec mes potes en tournée, des copains d'enfance. Donc ça. Je crois que c'est bien d'avoir les pieds sur terre aussi. En tout cas, permet de relativiser beaucoup de choses. Exactement. Ah oui, à la fois les moments de gloire et les moments de déception. Oui. En tout cas, vous êtes chez vous ici. Bah, et c'est toujours une joie. Ah ben voilà, on l'a dit en même temps. C'est une joie de vous accueillir. Filet de Macron et autres pommes à l'huile. Laurent Gérard, c'est au Cherche Midi. Et puis la cuvée anniversaire avec deux DVD. Laurent Gérard sans modération. Et le spectacle continue jusqu'au 19 décembre, partout en France. Et puis ensuite, c'est reprend au printemps.